Grand 2, première semaine. Je viens de passer une semaine à New York sans presque voir aucune des personnes pour qui j'apporte des mots d'introduction. Elles sont toutes, durant ces brûlantes chaleurs d'un mois d'août, aussi étouffant que celui de Madrid, à la campagne, au bord de la mer, en Europe. Moi-même, je me prépare à partir pour Newport, le Deauville de l'Amérique, afin d'y voir de près la société. J'ai donc eu le loisir, durant ces quelques 8 jours, de courir la ville en simple touriste et d'en recevoir une première impression. Un premier choc, comme disait l'aimable professeur Charles N. de Cambridge, qui m'engageait à intituler ce livre de voyage « American Shocks » pour faire contraste aux sensations d'Italie. Je voudrais transcrire ici le journal de cette semaine, non que je m'exagère l'importance et l'intérêt de ces toutes superficielles expériences d'hôtel et de rue. Elles n'autorisent aucune conclusion générale. Pourtant, elles ont leur valeur. C'est comme un sursaut d'exotisme qu'un séjour plus prolongé atténuera, qu'il abolira, pour le remplacer par des remarques plus justifiées, moins exactes peut-être. Car ces perceptions presque animales de la différence d'atmosphère entre le pays d'où nous venons et celui où nous arrivons ne nous trompent que si nous les interprétons. Déjà, j'entrevois, à leur terme, quelques hypothèses très générales. Il est probable que ces hypothèses sont très incomplètes, et que j'en changerai plusieurs fois, avant de quitter ce continent, fixant du moins les surprises de la première heure avant qu'elles ne s'effacent, quand ce ne serait qu'à titre de document. Samedi. Henri J. m'avait dit à Londres, « Quand nous nous sommes quittés, j'attends votre impression du quai de bois de New York. Vous voudrez revenir par le premier paquebot comme a fait SC. » Ce dernier est un jeune Français d'une rare distinction d'esprit qui a prétendu lui aussi faire dans le Nouveau Monde une cure d'activité et de démocratie. Il a débarqué sur le quai de bois comme j'y ai débarqué. Il a gagné un hôtel quelconque comme je viens d'en gagner un, porté ses lettres de recommandation comme je porterai les miennes. 5 jours après, il remontait sur un vaisseau en partance pour l'Europe. Je n'ai pas pu supporter le coup, fut sa seule réponse, à la surprise de ses parents. Il est rude en effet, ce coup du débarquement, du moins pour un Français, habitué à cet ordre administratif, dont on maudit les lenteurs quand on les subit, dont on regrette les commodités dans ce heurt des foules anglo-saxonnes où la lutte pour la vie a déjà son humble et pénible symbole dans la lutte pour le bagage. Aussitôt le vapeur mis à quai, on descend dans un immense hangar encombré de gens, qui vont et qui viennent en se bousculant et en vous bousculant. Des policiers gigantesques, le ventre bedonnant sous le ceinturon, se tiennent dans cette foule comme des colonnes contre lesquelles elle va se briser. Des douaniers en uniforme déboutonné, parce qu'il fait chaud, dont une chique enfle la joue, souillent de longs jets de salive brune la place qui attend les mâles, et ces mâles, à peine arrivés et renversés, c'est autour d'elles une poussée des entrepreneurs d'express qui offrent leur chèque, tandis que des charpentiers, avec des varlopes et des marteaux, déclouent, reclouent les caisses, que des bras d'employés plongent dans les casiers ouverts, tournant, retournant du linge et des robes avec des brutalités de gens pressés. Puis ces mâles sitôt refermés et chéqués, des porte-fesses les saisissent. Ils les précipitent le long d'une pente, en bois dans l'étage inférieur au risque de les briser. Et une âcre, une écœurante odeur de suie humaine pèse sur cette bagarre retentissante. Voilà l'entrée dans la grande ville américaine. C'est brutal et rapide comme une passe de boxe. Des petits hommes aux yeux aigus courent à travers la mêlée des gens et des colis, qui vous happent au passage. Ce sont des reporters en quête d'interview. Je vois le dentiste du bateau se débattre contre l'un d'entre eux, qu'il l'interroge sur le choléra en Italie. Le landau délabré où je finis par monter me semble le paradis roulant au sortir de cette cohue, quoiqu'il chemine sur un pavé de bois cruellement entretenu. Premier signe de dilapidation de budget municipal, et que ce quartier entre le port et la 5e avenue, où se trouve l'hôtel, soit abominable de laideur. Des maisons rouges s'allongent indéfiniment par fil, toutes pareilles, avec des fenêtres à guillotine et sans volets. D'autres maisons apparaissent, salles d'affiches, avec des bars dans leur rez-de-chaussée, ou bien des étalages de pauvres choses, fruits au rabais, grêles légumes. Sur le sol, souillé, traîne comme une boue gluante, moins pétri de terre que de détritus. Pas un arbre devant ces maisons, pas un carré d'herbe, mais des rails à terre pour les tramways, des poteaux pour des fils de télégraphe, et presque tout de suite un long et double tunnel dressé sur des piliers de fonte. C'est la voie d'un chemin de fer aérien, ou élevé, comme ils disent. il y en a 4 qui desservent toute la longueur de la ville et qui transportent par an 200 millions de passagers. Dans le peu de temps que la rue suit cette ligne, je compte le passage des trains, 3 qui montent et 3 qui redescendent. La formidable armature qui les soutient tremble sous le poids et sous la vitesse. Quelle est la vie des habitants dont les fenêtres ouvrent sur cette continuelle fuite éperdue de locomotives et de wagons? Le landau franchit 2 rues plus paisibles, et c'est pour tomber dans une avenue que sillonnent, lancés d'eux-mêmes éperdument, des files de tramways à câbles. Une chaîne sans fin court sur le sol, qui fait marcher ces lourdes voitures sur les rails où notre attelage trébuche. Leur mouvement automatique effrayerait comme un cauchemar, n'était qu'à l'avant un homme est debout. Ses doigts crispés manœuvrent les poignées de la pince qui, tour à tour, mord ou abandonne la chaîne, invisible à travers une longue fissure, tracée elle-même comme un troisième rail entre les deux autres. Il y en a tant de ces cable-cars. Ils vont si vite, ils encombrent l'avenue d'une masse si compacte que les voitures à chevaux ont à peine la place de cheminée. Aussi se font-elles si rares que la physionomie de la rue ne rappelle aucun coin d'aucune ville d'Europe. Plus de ces fiacres qui sont la gouaille des rues de Paris, de ces hansoms qui sont la joliesse de celles de Londres, de ces bottes qui courent dans Rome au trot céleste de leurs chevaux. On a du coup l'évidence que cette fantaisie bourgeoise, le petit véhicule particulier de louage, n'a pas de place ici. Si on est un travailleur ou un homme d'affaires, on a le chemin de fer ou le car, qui vont plus vite que les meilleurs chevaux. Si l'on n'est ni l'un ni l'autre, on est riche et on a sa voiture. Une place avec des arbres et du gazon, que domine un clocher pareil à la Giralda de Séville, c'est Madison Square, et le point où le commerçant Broadway croise cette élégante 5e avenue qui s'étend interminable, sans tramway à câble du moins, et sans chemin de fer élevé. Au sommet de la tour se dresse la silhouette d'une statue. Je reconnais la Diane, du grand sculpteur Saint-Gaudens, dont j'ai vu des photographies. Le svelte corps de la déesse se détache en finesse sur l'air devenu bleu. C'est la première apparition de beauté que j'aurais eue depuis que j'ai mis le pied hors du bateau. Au-dessous de la Diane et le long de la tour, l'annonce d'une exposition de bicycles descend en énormes lettres de fer. Entre la noble création de l'artiste et l'immédiate réclame, le contraste est presque aussi grand qu'entre le New York du travail, que je viens de traverser, et le New York de la fortune, où j'entre en ce moment. Cette absence totale de transition a-t-elle une cause ? Accuse-t-elle une absence totale de ce sens de l'harmonie que nous appelions, le goût ? Est-ce simplement que la ville, ayant grandi trop vite sur un sol trop resserré, l'espace manque à sa poussée, comme il manque, paraît-il, aux affichages? Je résoudrai ces problèmes lorsque je n'aurai pas à m'installer dans un hôtel nouveau, et que je ne serai pas lassé par 7 jours de mer. Un nègre en livrée avec un masque souriant et des dents blanches, où étincellent des morceaux d'or larges comme à la moitié d'un ongle, vient de m'ouvrir la porte de ma voiture. À peine ai-je eu le temps de parler au secrétaire qu'un autre nègre m'a ouvert la porte d'un ascenseur, lequel est monté avec une vitesse vertigineuse le long de 7 étages. Et voici qu'un 3e nègre entre dans ce salon où je suis en train de griffonner ses notes pour m'apporter un brodeau filtré que surplombe un morceau de glace, presque aussi gros que sa tête. Je le vois avec stupeur qui, très offensé de ma distraction et attendant mes ordres, tire de sa poche une clé, prend celle d'un secrétaire, celle d'une porte, et il se met à jongler avec elle, pour attirer mon regard. « Que faites-vous là ?» lui demandai-je. « Je croyais que vous aviez un télégramme à me donner, » me répond-il avec une familiarité dans la fourberie, qui désarmerait un négrier. Je l'envoie chercher un journal qu'il me rapporte, et qui est marqué de 3 cents. Il en demande 10, et pour s'excuser, il ajoute philosophiquement « You know, on the other side, everything is cheaper. » »« Vous savez, tout est meilleur marché de l'autre côté de l'eau. » Dimanche. À la messe ce matin, dans une petite église à la hauteur de la 30e rue, c'est un des fêtes les plus connues et les plus commentées en France que la vitalité du catholicisme aux États-Unis. Les noms des 3 grands ouvriers de cette renaissance, le cardinal Gibbons, l'archevêque Harryland et Mgr Kings, nous sont aussi familiers qu'aux Américains eux-mêmes. En quoi consiste précisément cette vitalité? J'essaierai de le savoir un jour. En ce moment, je ne saisis que la différence trop évidente entre nos églises à nous et celle-ci. Au dehors et dans son enveloppe de pierre grise autour de laquelle frémit une vigne du Japon, elle est à peu près pareille aux hôtels du reste de l'avenue. Pour y entrer, il faut traverser une antichambre, où chaque fidèle doit payer 15 cents, c'est-à-dire un peu plus de 75 centimes. Que feraient d'ailleurs les pauvres dans le vaste hall de bois vernissé qui sert de chapelle? des coussins de cuir garnissent chaque banc. Pour fermer l'entrée de ces bancs, des cordonnets de soie rouge sont accrochés à des agrafes de cuir. Un tapis court partout. Les tableaux des murs sont houssés parce que c'est l'été. J'ai l'impression d'une espèce de club de prière. Tout est battant neuf, cossu, confortable et pourtant religieux, car les assistants suivent l'office sans un chuchotement, sans une distraction. Par contraste, et en reconnaissant derrière les enveloppes de gaze verte, la copie de quelques tableaux. Une madone du passionné Andrea, une vierge du Lucie de Raphaël, la tragique Judith d'Allori. Je pense soudain aux églises d'Italie, délabrées, malpropres, souillées de superstitions, et d'une telle beauté parce qu'elles ont duré, et que tout y remue le cœur de la profonde émotion du passé, d'un long passé. Mais les fidèles, réunis dans cette église-ci, ont l'édifice qui leur convient. Ce sont des hommes du présent, et pour qui leur religion n'est ni une rêverie, ni une nostalgie. Le sermon que le prêtre rattache à l'évangile du jour, l'épisode du bon samaritain, révèle mieux encore cette étreinte serrée de la chose actuelle. Il parle de la descente de Jérusalem à Jéricho, avec les mêmes termes qui servent ici à désigner la descente du haut de la ville vers la batterie. Il rappelle saint Paul et sa conversion, comme il chevauchait près de Damascus Corner, puis c'est des comparaisons où le mot « dollar » passe et repasse sans cesse. Si vous avez gagné 1000 dollars, si vous avez payé un objet 100 dollars, et son dur visage au grand trait se fait amer, sa voix véhémente pour invectiver le clergé d'Europe avec ses prélats qui veulent vivre comme des princes. Tandis qu'il remue son bras, je vois l'ornement rouge qu'il a revêtu pour prêcher, briller lui aussi d'un éclat tout neuf, qui s'harmonise à cette église, à ses bancs, à ce tapis, à ses gens, à ce sermon. Mais encore une fois, à quelle heure et où prient les pauvres? En voiture par la 5e avenue et à travers le Central Park, qui est comme le bois de Boulogne de New York, durant 2 heures de l'après-midi. 4 dollars, soit 21 francs, pour une course qui chez nous vaudrait 100 sous et 5 shillings à Londres. Un de mes compagnons de bateau, qui m'a tout de suite inscrit à son club, avec cette admirable hospitalité propre aux pays anglo-saxons, et qui m'a conseillé cette promenade, me donne plusieurs raisons de cette cherté. La première, et la plus évidente, je l'ai déjà dite. Une voiture est un luxe, et tout luxe se paie cher ici, tandis que le nécessaire y est à bon marché. C'est pour cela que l'Amérique reste le rêve de l'ouvrier, et que tant de ses enrichis passent en Europe. Ils y ont ce même luxe et supérieur à un prix 5 ou 6 fois moindre. La seconde raison, c'est que toute la corporation des cochers se tient, comme toutes les autres, d'une imbrisable étreinte de solidarité. D'ailleurs, il est trop visible que l'argent ne doit plus avoir de valeur ici. Il y en a trop. L'interminable suite des habitations luxueuses qui bordent cette 5e avenue proclame cette folle abondance. Plus de boutiques, sinon d'objets de luxe. Quelques modistes, quelques marchands de tableaux. Dernière écume où vient mourir la vague de la marée d'affaires qui noie le reste de la ville. Mais des maisons toutes indépendantes et dont chacune implique, étant donné le prix du terrain, un revenu que l'on ose supputer. De vastes constructions de place en place reproduisent des palais et des châteaux d'Europe. Je reconnais une gentilhommière française du XVIe siècle. Une autre maison, rouge et blanche, rappelle le style du temps de Louis XIII. L'absence d'unité de cette architecture révèle assez que c'est ici le pays de la volonté individuelle, comme l'absence de jardins et d'arbres autour de ces demeures somptueuses prouve la nouveauté de ces richesses et de cette ville. Cette avenue a été visiblement voulue et créée à coups de millions, dans une fièvre de spéculation sur les terrains qui n'a pas laissé la place à un pouce de sol inutile. Cette rapidité se manifeste aussi par l'absence presque totale de figures animées, dans les sculptures dont se décorent les colonnades et les fenêtres de ces palais improvisés. Il faut du temps à l'artiste pour observer, pour suivre patiemment les formes de la vie, et si les États-Unis tout entiers ne s'étaient pas passés du temps, où en seraient-ils? Ils l'ont remplacé par des à-coups d'énergie. C'est de quoi triompher dans le monde industriel. Le monde des arts veut plus d'inconscience, une poussée de vie qui s'ignore, des alternances de paresse qui rêvent et d'âpres exécutions. Des années passeront avant que ces conditions ne soient possibles au bord de l'Hudson. Le parc est-il, lui aussi, un produit hâtif et volontaire? En tout cas, la virginale puissance du sol s'y épanouit, en feuillage d'une opulence admirable. Il me semble, mais est-ce une vision juste, qu'il y a comme une disproportion entre cette surcharge de feuilles et les branches elles-mêmes. Comme si ces beaux arbres étaient de troncs plus élancés, de ramures plus nerveuses que les nôtres. Ont-ils, comme les maisons, poussé trop vite? L'étendue de ce parc est énorme, et on demeure surpris quand, après avoir suivi des chemins étranglés sous la verdure, d'autres enroulés autour d'un lac, d'autres développées le long d'immenses prairies où paissent des moutons, on aperçoit, par-dessus, les cimes vivantes des massifs. Un train qui court, lancé à 10 mètres en l'air, sur une voie de métal rouge, et la ville qui recommence. Ce parc n'est qu'un jardin qui coupe en deux une des avenues, la 7e. Tout un peuple y circule par cet après-midi de dimanche. Un véritable peuple de travailleurs au repos. Je n'ai pas rencontré de Victoria de maître dans ces vallées qui foisonnent de voitures, mais ce sont des chars à bancs de famille où des femmes et des enfants s'empilent, des tilburies que leurs propriétaires conduisent eux-mêmes. Je remarque parmi ces voitures une espèce de carriole nouvelle pour moi, une caisse oblongue avec un soufflet capable d'abriter au besoin 2 personnes, disparaît presque entre 4 énormes roues d'une minceur effrayante. Un cheval y est attelé qui va comme le vent, sans collier, libre dans un réseau de souples lanières. On dirait avoir filé ces voitures, avec leur armature de métal, si grande à la fois et si grêle, une course de gigantesques araignées affolées. Dans ces véhicules et sur le trottoir, des gens passent, mis solidement et sans élégance. Pas une blouse, pas un haillon non plus, qui trahissent la misère. Les hommes sont plutôt petits, maigres et d'allure nerveuse. Les femmes petites, aussi et sans grande beauté. Dans les toilettes de ces dernières, il y a un visible abus de couleurs voyantes et de façonnage. C'est comme un immense magasin de confection qui marche. D'ailleurs, un air de santé sociale et de bonne humeur se respire dans ces foules que traversent de temps en temps des hommes de police à cheval. Ils ont même l'air de mériter qu'on la surveille, ce que je sens avec beaucoup de force. Mais sans que je puisse donner de cette impression, une raison positive, c'est que je suis terriblement loin et dans un pays terriblement autre. Lundi. À quelle heure meurt-on ici? À quelle heure aime-t-on? À quelle heure pense-t-on? À quelle heure est-on un homme enfin? Rien qu'un homme, comme le criait le vieux Faust, et pas une machine à travail et à mouvement. C'est la question que je me pose malgré moi, après une journée dépensée, à prendre des cable cars, des elevated, le L pour emprunter l'abréviation new-yorkaise, des cars électriques, des bateaux passeurs, afin de voir la ville. Les uns succèdent aux autres si rapidement, on est si vite transbordé d'un tramway dans un tramway, d'un train dans un train, que l'étranger, et qui n'est pas au ton, éprouve un ahurissement, un peu celui d'un paisible bourgeois, jeté dans une pantomime de Hanlon Lees. C'est là, entre parenthèses, l'origine probable de cet art en Amérique. Les acrobates n'ont eu qu'à hâter, à presser, à exaspérer jusqu'à la frénésie cette fièvre d'aller, qui a conduit les gens d'ici à cette invention singulière de faire marcher la rue. Car c'est cela, ces tramways à câbles, ces chemins de fer à même les avenues, ces tramways électriques, c'est la rue qui marche, qui court. Vous manquez une de ces voitures et déjà l'autre est là, comblée à ne pas laisser tomber 1 dollar par terre. Vous y montez pourtant, quitte à vous tenir debout sur la plateforme, dans l'intérieur, sur le marchepied, et des gamins en haillons, à ça faire peur, tout nerf et toute énergie, trouvent le moyen de se hisser dans chacun de ces tramways entre 2 rues, dans chacun de ces wagons entre 2 stations du train. Et il crie le journal du jour, non pas même de l'heure, de la minute. Edison a commencé de la sorte, prétend la légende. Que de visages j'ai rencontrés dans l'affolement de cette course sans but, des milliers de visages que je ne reverrai jamais plus. Le caractère le plus frappant de ces innombrables masques est pour moi l'absence de regard. Le contraste est saisissant entre la bonhomie de l'omnibus complet de Paris, où tous les voisins s'observent, où pour un rien la conversation se lirait. Ici, chaque prunelle semble fixée sur l'idée intérieure, sur l'affaire, quelle qu'elle soit, qui n'attend pas, et qui veut qu'aussitôt sorti du car ou du wagon, l'homme et la femme courent, qu'ils courent pour y entrer, qu'ils courent pour monter l'escalier du chemin de fer, et pour le descendre. M, un de mes confrères et qui m'a servi aujourd'hui de guide, prétend qu'ils ne sont pas plus pressés qu'un Parisien quelconque. S'ils vont si vite, c'est par habitude, par manie, par névropathie. Ils ont avec cela d'étranges paresses. Vous les verrez à l'hôtel ou au restaurant acheter un journal et le payer 3 sous de plus qu'il n'est marqué, par nonchalance d'aller le chercher dans la rue. J'entrevois la conciliation de cette négligence et de cette activité en observant le peu de fini de ces cars eux-mêmes, à peu près de la tenue des gens. Mais c'est l'individu, cela, et aussitôt que l'on se heurte à des choses d'ensemble, on éprouve de nouveau cette impression de la Babel, qui a bien sa splendeur, et que j'ai subi très fortement. Faut-il l'avouer ? À propos d'un bâtiment destiné à des offices d'hommes d'affaires et d'un pont sur qui passaient des trains. Le bâtiment s'appelle l'Équitable, du nom de la compagnie d'assurance qui l'a construit. C'est un gigantesque palais à façade de marbre qui se dresse presque à l'extrémité de Wall Street, la rue des Milliards. Et tout près du cimetière de Trinity Church, où repose, bercé par le tumulte effréné de la vie, et le grincement du cable car, l'imprimeur de la première gazette publiée à New York, William Bradford. Quel tombeau pour un journaliste! Les chiffres seuls peuvent donner une idée, non pas exacte, mais approchante de cette ruche humaine qui contient 1500 locataires. M me dit que 10 000 personnes par jour usent de l'ascenseur, où nous nous engageons pour aller jusqu'au toit. Le bourdonnement de l'énorme bâtisse, le fourmillement des allées et venues, l'entrecroisement sans fin des corridors, toutes ces sensations additionnées se fondent dans une espèce de stupeur presque admirative. Comme aussi devant la ville contemplée d'en haut. Elle s'étend à perte de regard, avec les deux rivières qui cernent son île toute longue. À travers les innombrables fumées, l'œil distingue la netteté pratique de la construction, les larges avenues longitudinales coupées à angle droit, par des rues qui distribuent les paquets de maisons en masses égales. Cette ville est connue aussitôt qu'elle est comprise. Le numéro de la rue, le mot « Est » et « Ouest », à la suite pour savoir si cette rue est à droite ou à gauche de la 5e avenue, et à 10 mètres près, vous savez le chemin que vous avez à faire, tous les blocs étant pareils. Ce n'est même pas une ville au sens où nous entendons ce mot, nous qui avons grandi dans le charme des cités irrégulières, poussées comme des arbres avec la lenteur, la variété, le pittoresque de la chose naturelle. C'est une table des matières d'un genre unique et qu'il s'agit de manier commodément. Vue d'ici, elle est si colossale, elle résume un si formidable amoncellement d'efforts humains que l'imagination en est dépassée. On croit rêver quand on regarde, par-delà les rivières, les deux autres villes, Jersey City et Brooklyn, étalées sur les rives. Cette dernière n'est qu'un faubourg et elle a 900 000 habitants. Un pont réunit New York à Brooklyn, suspendu sur un bras de mer. Même aperçu de loin, ce pont vous saisit, comme un de ces cauchemars d'architecture ébauchés par Piranèse dans ses tragiques eaux fortes. On voit des vaisseaux de haut bord passer sous lui, et ce signe indiscutable de sa hauteur déconcerte la pensée. Mais d'y marcher soi-même, de fouler ce monstrueux treillis de fer et d'acier tramé pendant 1600 pieds sur 135 pieds d'abîme, de regarder les trains qui le suivent dans les deux sens et ces paquebots là, sous vos pieds à vous, tandis que des voitures vont et viennent et que les passants se pressent en foule hâtive, c'est de quoi reconnaître dans l'ingénieur le grand artiste de notre époque et de quoi donner raison à ces gens quand ils se targuent de leur audace, de ce go ahead qui n'a jamais hésité. En même temps, on se demande de quel droit ils se prétendent un peuple jeune. Ils sont récents et d'une nouveauté d'avènement si étonnante qu'on a peine à croire aux dates devant ces prodiges d'activité. Mais récente ou jeune, cette civilisation est visiblement faite, ici, du moins. J'ai l'impression ce soir que je viens de parcourir une cité, qui est un achèvement et non pas un commencement. Cette vie n'est pas un essai, c'est une manière d'être, et qui a ses inconvénients, si elle a ses splendeurs. Car le go-ahead, l'infatigable en avant, ne s'exerce pas seulement à propos des trains et des machines. Il me faut quitter ce journal pour répondre à 15 lettres d'autographe et à 6 demandes d'interview. Cet empressement me rendrait vaniteux si je ne savais pas que n'importe quel voyageur, dont la presse annonce l'arrivée et qui appartient d'une façon quelconque à la publicité, quand ce serait par un progrès scandaleux, doit payer son tribut d'entrée, signer des centaines de fois son nom, et dire bien haut ce qu'il pense de l'Amérique avant de l'avoir vue.